témoignage de Monsieur Rosimond René, né en 1921 à Nandrin, boisselier à Nandrin, 59 ans. Ce témoignage a été recueilli au mois d'avril 1980 par Messieurs Dechaîne et Mikis. Son enquête est née de cours. Oui, ça, oui. Comment vous expliquez cela? Bien, j'ai toujours par le vent au monde est allé hier. On m'a vu, oui, médecin de naissance à la commune d'Auré, à la province de Namur. Là, le secrétaire communal m'a fait disparaître, donc comme mourir. Ah non, j'ai tout ressuscité à la commune des Vlettes. Je m'exasperais qu'on m'a ressuscité. On m'a ressuscité, sur mes 4 ans plus vie. C'est ça. À ce moment-là, je me laisse plus justement, c'est fait recourir les catégories que les Allemands recouraient. Hein. Et puis, un an après la guerre, non, ça a revenu sur la commune, mais j'ai tout remis tout, donc. En état civil, normal, enfin. Vous avez situé moins de 40 à 44, hein? Non, de 1943 à 1944, la libération, enfin. À ce moment-là, vous avez situé moins. Ah oui. Et pourquoi est-ce qu'on vous requérive? Ah ben parce que nous avons voulu travailler pour les Allemands. Ça fait qu'à ce moment-là, ben... On voulait vous évoyer... Et l'Allemagne. Qu'est-ce que les Allemands vont demander du fait que vous ne voulez pas faire? Ah ben, ils veulent qu'on tombe de monde pour elles, des espèces de lance-grenades là. De ce que nous avons fait, mais nous n'avons jamais voulu nous autres à travailler pour elles. Ça, c'est des manches du bois? Des manches du bois, oui. Votre papa ah et oui. Vous? Ah oui. Ben, nous avons eu dans nous deux, Charles, non. À vous, nous autres. Ça fait qu'il y a ainsi. Alors, tous les ouvriers qui étaient une Charles avaient surcouru. Ah, non, mais non, j'avais pas rendu, puisque j'étais un comme patron d'elle. Hein? Les ouvriers. Ah, oui. On avait recouru le patron. Ah, oui. Papa, ben, ou non, mais les filles, enfin. Et puis, je suis un acte en 1920, donc je suis un acte de. Vous allez ouvrir l'Allemagne. D'aller travailler l'Allemagne. Et c'est des classes que, normalement, après la libération, divin allé contre des Allemands sur un calare et Pierre d'Augure, et heureusement, ils l'ont perdu. Voilà pourquoi que c'est surtout la classe de 10 000 à 1924, je pense, avec c'est sur la classe de surtout Kourou. Vous n'avez pas fait vos services militaires, non? Ah, c'est juste l'Angleterre, non? Mais vous n'êtes pas plus mort à ce moment-là. Ah, non, c'est juste l'Angleterre. L'Irlande, non, l'Angleterre. Non, l'Angleterre même, pour l'armée anglaise, nous autres, destin. En quelle année, sous l'armée? 1945. Et qu'est-ce qu'on faisait? Oh, ben, nous, je suis facteur de compagnie. À nom de là, nous avons remis sur au port d'Anvers, à Hoboken, tout près d'Anvers. Et nous ravitaillons les troupes anglaises. Et les troupes. Que se trouvait, le troupe belge se trouvait en Allemagne, enfin, non. C'est ce que nous autres nous faisons. Et l'Angleterre, c'est du pour après? Ah oui, c'est à l'entraînement, là, oui. Ou des officiers anglais? Non. C'est-à-dire, des officiers. Nous avons un officier belge, mais tout de tech modèle anglais. Enfin, en commencement, nous avons mal arrivé, pour finir. On... Il y avait des Flamands et des Wallons? Non. C'est-à-dire qu'il y avait tout une compagnie. Une compagnie, les impairs, c'est-tu les Wallons et les pères, c'est-tu les Flamands. Nous autres, c'est-tu 1027. C'est-tu les Wallons. Alors, 1026 de Flamands, 1028, et puis, ça m'a l'air tout bien, c'est. Mais c'est-tu des officiers Wallons et tout cela, mais qui m'a dit fait en anglais? Ah oui. Parce que c'était l'armée anglaise. Parce que c'était l'armée anglaise. Il avait un code armé belge qui est sur mes. Si, mais seulement nous autres, nous étions uniquement pour les Anglais. Nous étions en même titre qu'aux autres Anglais. Et comment est-ce que ça faisait? Ça se faisait sous là que vous destinez Anglais? Eh bien, nous avons un signe distinctif sur le B, nous avons un Belgium, et puis le drapeau belge. C'est juste tout ce que nous distinguait dans soldats belges avant soldats anglais. Mais il y avait des soldats qui étaient belges. Ah ouais. Alors, il y avait des fusiliers et tout cela, mais qu'est-ce que c'est l'Allemagne, il y a des cicalins, l'Irlande, à l'entraînement, là. Mais nous autres, c'est les mêmes. ça. Et quand vous êtes René à Yvelines, vous aviez quel âge? Il y a eu 23 ans, il y a eu. Ah ouais. Vous êtes un né à 23 ans. Ah ouais. Ah ouais. C'est une affaire, une belle pièce. Ah ouais, ça. Ah ouais. Et il y avait Brahmin qui faisait sous là, c'est que vous avez fait. Ben, je ne sais même parce que. C'est même, mais il y avait un certain risque, enfin, les ceux qui étudient vers le papier, devant les administrations communales, la fille sous là, enfin. Il fallait que nous, les secrétaires communales. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais il y avait un homme qui t'avait occupé, mais et qui m'avait supporté. Et on avait fait un intermètre sous là? Oh non, non, non, non, non, non, non, parce qu'il fallait mettre les Allemands à 20 sous là, parce que. Non, c'est des trucs des papilles. Des trucs des papilles, des fois papilles, enfin. Et quand vous êtes dit 43 à 44, vous n'aviez nulle identité à ce moment-là. Ah, mais j'ai une force. Une force. Une force d'identité. Ah, vous des papilles, des fois papilles. Des fois papilles. Qui est-ce que vous les avez nés? Ah, peut-être tu les secrétaires, peut-être tu. Secrétaire communal d'Evelette qui m'avait fait des fois papilles. Et je suis domicilié à Evelette. Et mon. De gens qui nous. Même jamais, c'est plus que je suis domicilié là, enfin. C'est ça. À vous le nom, Denis. Ah non, non, non, non. Il y a le même domicile qu'ils aient, mais c'est un autre nom, mais. C'est ça. Celui qui met le nom. L'autre nom. Hué. Tu m'as nommé Hué. Omer Hué. Ah ouais. Tu ne t'as bien jamais adopté, donc je dis de musulier ce monde. Ah oui, mais non, ni votre nom, quand vous avez mis tout, vous n'avez rien à remettre tout votre vrai nom. Ah non, mais c'est Jacques Laforêt. Jacques Laforêt. Et on t'est, après vous, Jacques Laforêt, est au sous-là. Ah oui. Tu as costé. Ah oui. Les gens, c'est plus bien que. Non, bah, pas d'un temps, pas d'un temps, qu'on fait. Pas d'un temps. Et vous ouvrez Nico, vous travaillez Nico Char avec votre papa, Néné. Ah non, non, non, non, non, parce que je suis là. On se cache. J'arrive nous parce qu'il n'y a pas de combats au réel, non, je suis obligé de rire Michel, non. Et j'allais voir Michel devant que d'un coup, Charles mon père à Alsace, à l'école catholique, Charles mon voisin. Et notre bon costume, notre dîner était. Dans le cœur est plus après vous, puisque vous êtes un moyen. Ah ben ouais, mais c'est-à-dire qu'ici, il n'y a rien que tu dis, parce que Zéo, c'est pas un ça, hein, Zéo, vous venez à un cheval commun. Ben, vous n'en avez même vu après un cheval commun, enfin, hein, il est comme Michel, ben il est parti, c'est plutôt. Voilà. Ah, mais ça fait de même ça que vous êtes bien. Non, non.